galérer les filles. L'heure qui avance, les nerfs deviennent fragiles. Vivement pour soi sorti de cette ville. L'an de mon goût, plus pas prêt d'arriver. C'est déjà 3 heures de retard. On reprend la route à l'heure Caforada. L'heure qui avance, il va faire nuit noire. Vivement qu'on soit arrivé au dortoir. De mon loup, de ce mon chou pas prêt. Chanteuse en rose.